dans ce profond sommeil, tu nous manqueras à jamais. Dors bien la noce, personne yo, combo nango maboko manga. Nasi na kupa na ngayo, kosongi se la ngayi. Papa na Landrine na Libère. Dar bien pati buka berso rona yo, kombo nango maboko manga. Nasi na kupa na ngayo, kosongi se la ngayi omoite. Wananga na luli yango eleki momoi na sukali Christian Kayombo ya kati Kayombo wananga kombo nango bolingo na yo ekomi kongangisa pongi na ngai Clarisse Moto ya kana ba mouchoire nyonso bolingo na esilisi na no bolisa ngai te o na esembo mwana nanga ozongise linga na ba makuta mike mike ozo salelanga ba miracle moderne bofuki se pentimba ponaka esika okokima moi ponaka esika okokima rambula olingwe koponela yo likonga to fololoro Viva Bolingo, o choia só rezate. Bolingo, royo, ezo brave nature. Ata volcan, ezo bangi sangote. Ata bahalu, batombi sambanayo. Nako kakisa, ata soki nako komayanamu. Essentiel la putana nayo. Kubwa Modeste Bahatsu Lukwebo, Honorable Néron Bongo, le PDG Eders Diheka, Jeff Beya, Papa Philippe. Papiste Eza déjà tigale, Kosegi Sape Poyinge Ita. Henrique Lokale, Ogima Njondo. Kito kokota la pamba, Kosimbate, Eza linde tortire, Pusana moke. Ma crampe qui t'en zote kota na e pali Mpukuta, Alain Koukas Lokola na kati montane na sourire lelo ya pamba Yambanga ya lelo yo Tokata osea Oh mama mama mama miya wawa Oh mama mama mama miya wawa Zenon Ngwayi Ngwayi Zenon Osi yo asfixi ngayi Frank Kaninda Osi yo gominga Kabaru pange ya Osikuha momega Na voli kiala Elanga na motema na yo Kuchu eloma Temanga na lopango na yo Komano Sergei nanga okumbanga Sapepo ya mampata oho Ya va plezir Inyo gama de Paris Mama Njita Yoba Papi gama, bavo gama Martin Barema Bosani singa masereka, bosani singa la vange de servo Natikala sena yo, natikala sena yo Jean-Marie Mungamba Natikala sena yo, Serge Moussasa Natikala sena yo, Doye Gersonne Natikala sena yo, Maître Wijo Loabeya Alex Kayembe, Bob Bofosa Papiste Eza déjà A Didiema Kito kokota la pamba Kosimbate Ezali ne tortire Pusana moke Makrampe Kitanzo te kota na ye Papi e piane Lodia wangata Lokola na kati montane Na surilera ya pamba Yambanga ya lelo yo Tokata osea Oh mama mama mama mia Oh mama mama mama mia Chéribin au Kembe Aussi au Asfixi Ngaï Sissam Klim Aussi au Gomi Ngaï Jean-Marie Njelo Aussi au Ha Momega Lelanga Namote Mami pataro ya ba plaisir fumu nzala mbongo obosa nisinga masole ka osa nisinga la frange de servo natikala sera yo natikala sera yo panama ya tapwe natikala sera yo dadi mupenda natikala sera yo lima bia Cédric Mupenda, Hugues Kayinda fils à papa. Y'a Jean-Pierre Eyal et Ikabe. Christelle Ngokas, la mignonne. Ubi Kaluji, champion Mopanga. Innocent Lelo, Richard Luemba et Yolande. Ubi Kindudi, Chéribin Tanzambi. Médard Diamonica, Moninga ya Jipe Kaungu Rama Yando Shakombo Richie Mouosi Maître Pichumbuku, Maître Jimmy Fwamba Yuda Lutsingu, rendez-vous na extrême ma campagne Papiste et sa déjà t'y parler Conseil du sapé pour une vieille fidèle, ah capitaine patience Salinde tortire pousana moke ba trompe kitanzo te kotana e kadelo Bienvenue Vangasele Dajo Makanda Jersalando Fiston Bantimba